Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais inchallah traiter un sujet par rapport à la liberté. On a l'habitude d'entendre les gens nous dire que eux ils sont libres et qu'ils veulent surtout pas la religion parce que ça va les emprisonner, parce que c'est trop lourd, parce qu'il y a trop de règles à respecter et qu'ils veulent pas perdre leur liberté. Donc ça c'est assez drôle à observer et à entendre ce genre de discours parce que en réalité les gens qui tiennent ce discours-là ne se rendent même pas compte que c'est des gens qui sont soumis au système qui respectent les règles du système, des milliers de règles du système et que en réalité ils ne sont pas du tout libres. Ils sont aliénés, ils ont les mains attachées. Ils ont tellement les mains attachées, ils sont tellement aveugles. Et ils sont tellement ignorants de leur situation qu'ils pensent qu'ils sont libres en fait, tout simplement parce que la masse média et la propagande officielle n'arrêtent pas de leur répéter 24 heures sur 24 qui vivent dans un pays de liberté d'expression, qui disposent d'une liberté individuelle. Donc eux, ils ont ce sentiment-là et le système et la Matrix leur a construit des outils et des chemins qui leur font croire qu'ils sont des personnes qui sont dans la liberté et qui sont libres de vivre tel qu'ils le souhaitent. Alors qu'en réalité, quand on fait un constat objectif et quand on prend du recul de la hauteur et qu'on observe la situation, on se rend compte que ces gens ne sont pas du tout libres. On leur impose tous les jours on leur dit comment il faut qu'ils mangent. On leur dit comment ils doivent s'habiller, on leur dit quels moyens de transport ils doivent employer, on leur dit où mettre leur argent dans les banques, on les oblige à prendre des cartes bleues, on les oblige à se plier au système et à tous les codes qui sont dans le système, tout simplement, qui font partie du système, ne serait-ce qu'aller dans un entretien, il faut s'habiller d'une certaine façon. Il faut présenter une lettre écrite d'une certaine façon. Il faut s'exprimer d'une certaine façon. Pour correspondre à la société, il faut avoir des caractères et des qualités qui sont en harmonie avec la société. La société, le système rentre jusqu'à dans notre intimité pour nous dire comment on doit se comporter avec notre femme. Comment on doit se comporter dans notre couple, comment on doit éduquer nos enfants, qu'est-ce qu'on doit manger, on mange des produits chimiques, quels sont nos rêves, ils nous imposent nos rêves, ils nous imposent nos cauchemars, le système va éduquer nos enfants, il va leur apprendre un programme qui a été fait par les hommes, et ce programme scolaire va manipuler, mentir, ou ne pas dire un certain nombre de vérités, choisir les événements, et il va les décrire selon ce qui arrange le système. Il va surtout pas sortir des éléments qui pourraient déranger le système. Donc les gens qui viennent vous dire que en réalité la religion ça les dérange parce qu'il y a trop de règles et qu'il y a trop de lois, ils sont dans ce cas-là. Ils sont dans les règles et dans les lois, et ils respectent des centaines, voire des milliers de règles, de lois, de codes moraux, vestimentaires, comportementaux, sauf qu'ils ont décidé de suivre ces règles-là. Voilà, c'est des gens comme Allah Azzawajal en parle dans le Coran. Il dit que ce sont les gens de la conjecture. Ils suivent la conjecture. C'est comme des troupeaux, comme un troupeau de moutons. Quand le troupeau de moutons va à droite, eux, ils suivent à droite. Même si c'est pas intéressant à droite, même si au bout du chemin il y a un abattoir, ou même si c'est le malheur de prendre à droite, c'est la division, c'est le divorce, c'est la dépression, c'est le manque de science, l'ignorance, la mécréance, la folie, la nervosité. Même si dans ce chemin à droite, il y a tous les malheurs du monde, ben 99% des gens vont suivre la conjecture et vont suivre le troupeau. Même si le troupeau, il est situé sur le battle, il est situé sur le faux, il est situé sur des choses qui n'ont aucune importance, et il a construit une matrix, un système qui n'a aucun sens. Voilà le souci avec ces gens-là. Il faut leur faire comprendre que c'est soit on choisit le côté du bien, de la science, de la connaissance, de la spiritualité, de la morale, soit on choisit le côté du mal, du shaitan. Et là, on est guidé par ses passions, on est guidé par des lobbies, par des marchés qui rentrent dans nos vies, qui vont nous dire quels médicaments on doit prendre, comment on doit s'habiller, et ils vont nous dicter les moindres faits et gestes dans notre vie. Donc, il faut proposer aux gens de faire un choix, soit celui de suivre les lois divines et les prescriptions divines, les milliers de lois et de prescriptions divines qui sont bonnes pour l'humanité, qui sont bonnes pour les êtres humains, soit ils suivent le mauvais, l'autre côté, et là ils seront perdants. Parce qu'en suivant l'autre côté, ils vont aussi regarder la télévision et écouter la radio, et qui vont mentir, et qui vont manipuler volontairement la vérité pour que les gens ne sortent pas du système, de la matrice. Ils vont systématiquement stigmatiser la vérité ou les gens qui représentent la vérité. Ils vont les traiter de tous les noms. Ils vont les traiter de barbares et de terroristes et de moyenâgeux et de gens archaïques. Donc faites très attention. Les gens qui vous disent qu'ils sont libres, en réalité, ils ne le sont pas. Sauf qu'ils ne le savent pas parce qu'ils sont tellement aliénés, ils ont tellement eu l'habitude d'être dans ces règles, dans ces lois, qu'ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, on leur a volé leur liberté pour les emmener vers le mur, vers un gouffre et vers l'enfer. Qu'Allah Azawajal nous protège de cet égarement et qui ouvre les yeux d'un maximum de personnes, les gens sincères, les gens justes, car Allah Azawajal ne guide pas les gens injustes. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azawajal nous éprouve pour mieux nous guider. Qu'Allah Azawajal nous éprouve pour mieux nous guider. Assalamu alaikum.